cyane mu kiriyo wataliya Masumbo Hello konini Ozo kina katina yango Lelo patro Lobi shonga koko Moto mokili Oko mona yelelo Lobi yako kufa Buna nini komela nakati ya masumbo Deko nangai Dimela yesu posu Wabobo ya seko Dunia ni kama simba Hamu Ninavyoishi naona kwamba watu hawana fahamu wakipenda kitu kitakachowaua hawana fahamu kwamba kuna hukumu wakipenda kitu kitakachowameza hawana fahamu kwamba kuna hukumu utahangaika Utakosa maniwe ae Utahangaika we aha Utakosa maniwe ae Siku ya Bwana yaja Siku ya kiyama Wengi watalia Wakisema kwamba Kwa jina lako tulitoa pepo Hata na magonjo yaliti Songa mbele, usirudi nyuma. Songa mbele, Thank you. Bye.